Salut les kids et bienvenue dans notre rendez-vous de malade, 2 heures de perdu. Ouais, allez, trop sans ça, c'est parti pour 30 minutes d'émission de dingue pour parler de pur ciné, c'est trop de la balle. On va vous donner le smile, les loulous, avec aujourd'hui le meilleur film de cette année en 1996, c'est le futur. C'est trop délire, grosse sortie ciné, moitié dessin animé, moitié basketball, Space Jam, giga cool. Du basket spatial, du super lourd, les amis, un casting de ouf malade, Michael Jordan et Bugs Bunny, c'est du méga délire, on vous dit. C'est parti pour du super lourd avec ma squad de déglingos habituels. Julie, la pro en ciné, elle va tout vous raconter sur le film, tous les détails cachés, excellent. Salut Julie, comment ça va? Ça va et toi, ça gaze? Yo yo yo, on continue avec Mickaël, pro du basket, trop mortel, c'est du délire. On va parler de Michael Jordan, de Charles Barkley avec toi, t'es le meilleur. Salut Mikey. Salut Tony. Ça va délire? Ouais, bien. Et Greg, ouais. Il a pu jouer en avant-première à Space Jam sur la toute nouvelle console 3D, la PlayStation de Sony, trop mortel. Et tu nous donnes tous les trucs et astuces à fond les manettes. Salut Greg. Salut les petits clous, salut Tonio, comment ça va? Tip top. Allez les zigotos, on embarque pour un voyage de ouf, trop délire. C'est super, c'est dingue, méga kiff, super. Le numéro 1 mondial du sport, Michael Jordan, fait équipe avec le numéro 1 mondial du dessin animé, Bugs Bunny. Et vous n'allez pas en croire vos yeux. Papa, pardonnez-moi, monsieur Jordan, est-ce que je pourrais avoir votre toto auto, votre signature, s'il vous plaît? Bon, c'est quoi ce délire? On a besoin de ton aide! T'as entendu parler de l'équipe de rêve? Eh ben, nous, on est l'équipe de crème! Prêt? Ouais! Gagnard de l'air! Tu pivotes derrière ma droite, attends, sous le panneau et tu les domines! On joue en défense! Ah, c'est vrai! Voilà, vous l'avez compris, on va parler de Space Jam sorti en 1996. Et est-ce que vous avez aimé, messieurs, dames, ce film? Ah oui, t'as déjà annoncé qu'il y avait, donc il y a Bugs Bunny et Michael Jordan. C'est tout. Ah bah ça peut pas être un mauvais film, hein, moi c'est ce que je dis déjà, dès le début. T'as oublié le gros dans Jurassic Park, hein. Ouais. C'est un de ses meilleurs rôles. Ouais. Et Bill Murray quand même, enfin, faudrait pas l'oublier. Petit caméo. De Bill Murray, c'est le seul bon acteur de ce film, donc du coup effectivement faut pas l'oublier. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Mickaël? Moi je trouve ça nulos. Mais à partir du moment où j'avais les boules. C'est pas giga cool ce que tu dis là. À partir du moment où t'as plus de 10 ans, je crois pas que tu puisses trouver ça cool en fait quoi. Les 45 premières minutes à la rigueur, je trouvais que ça passait, et le reste après ça sombre, hein, putain, c'est pff, la vache. Mais je suis content quand même d'avoir revu le Coyote, ça faisait longtemps. Non, mais en plus, ça m'a rappelé sa cartoon. Les meilleures licences, elles sont même pas exploitées, parce que celui que t'as vraiment envie de voir, c'est Bibi Coyote et tout, ils sont pas là. Si, ils sont. Si, ils sont. Non, mais il le met sur le banc de touche. Moi, je l'aurais mis dans la compo d'équipe titulaire, quoi. C'est complètement con. L'autre il court super vite, l'autre il fait des méga pièges. Il a fait une mauvaise équipe et il a pris le petit cochon là, tu vois. Greg, qu'est-ce que t'as pensé? Toi, je suis sûr que t'as aimé. Évidemment que j'ai aimé, mais. Non, c'est ce que je disais. T'as Bugs Bunny, Michael Jordan, bon. J'ai rien à dire, franchement, je suis désolé, je peux pas te dire c'est bien, c'est mauvais. C'est juste regardable, quoi. Mais... c'est plutôt mauvais si c'est regardable. Ouais, voilà, ouais. Et toi, Julie? Moi, j'en avais un souvenir. Commence pas à le défendre, hein. Ah non, j'en avais un souvenir assez positif parce que je l'avais pas revu depuis que j'étais enfant. Et en fait, c'était un peu l'angoisse. Je dois avouer que je sais pas comment j'ai fait pour aimer ça. Peut-être que j'étais une gamine des années 90. Un jour. Moi, j'ai trouvé ça chiant. J'ai pas trouvé ça long, étrangement. Pour le coup, ça allait assez vite. Sauf le générique. Il y a 9 minutes, on dirait Enter the Void, mais une musique des années 90. Et t'as des flashs de Michael Jordan en VHS qui met des paniers, genre ta, dunk sur dunk. En plus, en VHS, moi, j'ai trouvé ça cool. Mais il met plus de paniers dans le générique que dans le film. Ça n'a aucun sens. Qui raconte l'histoire, messieurs, dames? Très compliqué. Tiens, Julie, je te sens bien. Oui, bon, allez. Allons-y. Il se trouve que il y a une planète avec des parcs d'attractions, c'est ça, hein, qui ont plus trop de succès. Heureusement que je l'ai pas raconté. Avec des extraterrestres. Et du coup, les extraterrestres décident d'aller chercher les Toons. Les Looney Tunes. Les Looney Tunes de Warner Bros. Parce que ça, on va nous le répéter quand même un sacré paquet nombre de fois. Ouais. D'ailleurs, pour rentrer dans leur monde, il faut que tu passes un sas Warner Bros. Ouais, exactement. Et, je sais pas pourquoi tu étais surpris, tu l'as jamais fait. Pour se défendre, les Toons décident de jouer ça à un match de basket parce qu'ils ont en face d'eux des extraterrestres qui ont des petits bras. Ils se disent on va gagner, on va leur mettre la misère. S'ils sortent mauvais, c'est E.T. Hein. Voilà. Et sauf qu'en fait, les extraterrestres prennent les pouvoirs de joueurs de basket professionnels et du coup, les Toons font appel à Michael Jordan pour les aider à gagner le match et à être sauvés. Moi, j'ai une petite question, c'est qu'effectivement, ils prennent les pouvoirs des basketteurs professionnels, mais moi, je me demande si on n'a pas pris le pouvoir d'acteur à Michael Jordan, parce qu'il est quand même vraiment mauvais. Quoi. Moi, je voulais, c'est lent, justement, non, c'est dur. Hein, c'est vraiment... Faire un point là-dessus, Michael Jordan, déjà, il dit pas beaucoup de mots. Je pense que dans tout le film, il doit en dire 50 en tout. Et ce qui fait le plus, c'est la tête, tu sais, la mimique. Ouais. Et la avec les grands yeux. Ouais. Oh, wow. Gros yeux, et puis la bouche en bas, quoi. Tu vois. La mono. Moi aussi, j'ai noté mono expression. Visage étonné. Ah, non, mais il est incroyable. Le film s'ouvre sur le délicieux I Believe I Can Fly de R. Kelly. Ah, déjà, j'avais compris que j'allais passer un mauvais moment. Hein, parce que putain, quand ça commence là-dessus. J'ai revu le clip. Putain, c'est incroyable. Hein. Ça m'a fait penser à Cad, mais bon, ça m'a fait plaisir aussi. Quoi. Petite anecdote, tu parles de clip. Vous avez tous l'internet chez vous. En fait, le site. L'internet. Le web. Ah, Le site de Space Jam qui était en ligne à l'époque est resté sur internet. Vous tapez Space Jam, c'est un des premiers résultats et en fait il est à l'identique que dans les années 90 et ça pour le coup c'est assez drôle à regarder. Ouais, je vous invite à le faire. C'est pareil pour le site de Monster Truck Madness de Microsoft. Attention, c'est du gif à gogo, hein, donc accrochez-vous, mais c'est pas mal. Nous sommes en été 1975 où le jeune. T'as relevé la saison, toi ? Où le jeune. Oui, 73. Tu vois, t'as relevé la saison, ouais. Mais pas la. Et pas le chiffre. Hein. J'ai regardé, j'ai vu les toitures, j'ai vu mon pseudo de 75. Non, puis il y a des melons là qui poussent, je vois, ça doit être l'été probablement. Alors ça, on sait pas trop comment ça a été romancé parce que. Le très jeune Jordan joue alors que. Enfin, joue au basket. Alors qu'il est 3h du matin. Seul, à 3h du mat. Et son père, noir américain, habillé comme un esclave de 1890. Ouais, il a des bretelles, limite il joue du banjo, tu sais. Mais, genre vraiment, c'est un peu appuyé. Il lui dit à l'américaine, quoi. Hein, Sky is the limit. Mais surtout que, là, il lui fait le discours à l'américaine, mais en réalité, ce que tu dis quand ton môme il est plus de minuit, qu'il a 5 ans, qu'il est en train de faire des baskets, tu rentres à la maison. Tu fais quoi? Tu vois bien que tu fais chier tout le monde avec ton ballon, parce que ça fait du bruit un ballon de basket quand t'es tac, tac, tac à minuit. Bon, au bout d'un moment, t'arrives pas à dormir. Moi, c'est pour ça ferait longtemps qu'il se serait pris une rousse, mais bon. Moi, ce que suggère à Sper, c'est de mettre du sable du coup dans la cour, que ça, il pourra plus faire rebondir son ballon. Il viendra jamais, Michael Jordan. Mettre du sable dans les yeux. Lui balancer de l'huile brillante. On va voir où est-ce qu'elle va ta carrière, gamin. Et alors ensuite, ça enchaîne sur Hunter the Void années 90. VHS, ah non, mais attends, on n'a pas tout dit sur cette première scène. Parce que moi, ce qui m'a fait rire surtout, c'est qu'ils ont... Donc ils ont un panier de basket dans leur cour, mais ça c'est normal pour des noirs américains. C'est surtout qu'il est éclairé par un lampadaire par le haut, tu sais. Tu sais pas d'où il sort, ce truc. Bah, la municipalité l'avait posé là, donc... ça tombe bien. Ouais. Non, puis surtout, ce qui est marrant, c'est que le père lui dit dans un premier temps, bah va te coucher. Puis en fait, il met un panier, puis il dit, bah non, bah t'iras pas te coucher avant d'avoir loupé un panier, quoi. Donc il va faire nuit blanche. Donc là, après, on a une grosse ellipse, parce que là, on est avant la carrière de Michael Jordan, et là, on arrive à la fin de sa carrière quand il fait la conférence de presse. Alors, la fin de sa première carrière, car vous savez que Michael Jordan avait deux carrières dans le basketball et une dans le baseball au milieu, qui était une catastrophe. Et il est revenu en demi, il a tout cassé. En biathlon, il était bon par contre. Hein. Ouais, il était derrière Fourcade, mais il était bon. Ouais. Alors, oui, ellipse, conférence de presse. Fin de la conférence de presse, il dit bon, bah l'ellipse. Les gars, moi j'en ai ras-le-bol, je vais jouer au baseball. Parce qu'il l'avait promis à son père aussi. Mais je comprends pas. Il joue au baseball. Je comprends pas, c'est quand il y a la lune qui vient devant le soleil. Et on se retrouve sur un terrain de baseball où il est naze. Et... Tintin, le temple du soleil. Mais... Je me suis trompé quand la bibliothèque. Ça... Et donc il est sur ce petit terrain de baseball, il est un peu naze, et puis il rate toutes les billes jusqu'à ce qu'il y ait un. Voilà, c'est la première apparition du dessin animé dans l'écran, dans le cinéma. Tac, tac, tac. Il y a un vaisseau spatial qui passe devant le terrain de baseball. Alors déjà, on voit que l'incrustation. Putain, on est 10 ans après. Roger Rabbit, et c'est vraiment pas fou quoi. Hein. Ils sont. Non, c'est pas. C'est... Ils sont bien chiés. Ils tentent la 3D et des trucs comme ça quoi. Ah ouais, mais c'est pas fou. Hein. C'est moche. D'ailleurs, juste pour revenir sur le dessin, le dessin a un effet glossy. Pardon qui est un effet glossy, mais parce que Antoine va faire des tutos bientôt sur. Alors n'hésitez pas à aller voir mes tutos make-up. L'effet est un peu glossy. Le glossy, c'est vraiment dépassé. C'est pour ça que tu portes des bas là, Antoine. Ouais. C'est bizarre. Non, touche, c'est quand même très doux. Non, glossy, c'est quand il y a des ombres et des reflets et tout. Et Bugs Bunny, tu peux le dessiner en flat, c'est-à-dire en monogris, tu vois. Et là, il est en gris, mais c'est un point de culture. Voilà. Et là, ils se sont vraiment fait chier, genre, on va faire du dessin taffé. Et du coup, il se force un peu à les dessiner avec du relief et ça marche pas. C'est des trucs qui sont censés être en 2D pur, quoi. Donc ça passe. Ouais, non, il y a des. En fait, c'est moche. En fait, il y a des effets qui ont dû coûter super cher. Comme quand en gros il se fait écraser, tu vois, ah oui. En FX 2000. Et à côté de ça, des fois, t'as des trucs où c'est justement encore le gros qui arrive dans le terrain de basket, là. Et t'as la mamie qui est assise derrière. Mm. Et là, t'as trois plans. C'est-à-dire que t'as Bugs Bunny au premier plan, un autre au second. Et à la fin, t'as le gros avec la petite mamie. Et franchement, ça fait 1, 2, 3. C'est vraiment très, très moche, ouais, sur ce coup. Ouais. Là, ils ont pas claqué beaucoup de pognon sur ce coup. On parlera d'ailleurs de cette scène du summum de Michael Jordan en ballon de basket. J'espère qu'on pourra le noter. Ah oui, on en parlera. FX 2000 avait... Oh putain, merde, j'avais oublié ça. FX 2000 y était. Alors, donc... Déjà, je suis pas d'accord, excusez-moi, mais Toonville, c'est pas sous terre, c'est à Los Angeles, hein. Qu'on s'entende bien. Non, ouais. Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a un mur qui sépare les Toons des humains, mais ça, on ne passe pas sous terre. Il y a un tunnel. Hein. Enfin, il faut, tu peux prendre le tunnel. Là, dans ce film-là, ça ressemble plus à un colon. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Mais tu sais, l'espèce de truc en 3D, là, j'ai l'impression que c'est une coloscopie, tu sais, pour aller chez les Looney Tunes. Et bon, bref. C'est l'aventure intérieure, en fait. Alors, il est nul en baseball. Il est nul en comédie. Il est nul en tous, mec. Il va sur le banc de touche. Et là, il y a le gros Jurassic Park qui arrive. Ouais. Alors, par le dessus, c'est cocasse parce qu'il va tomber. Alors, ouais, un mec qui fait cette chute-là, ouais. Il se relève pas. Et s'il se relève, jamais. Surtout s'il a la corpulence du gros dans Jurassic Park. Pour le ouais. Mais le gros dans Jurassic Park, il faut le souligner, est très gentil. Ouais. Ça fait bizarre. Il est relou, c'est tout. Moi, j'attendais qu'il vole les échantillons, tu vois. Ah ouais. Enfin, j'étais pas bien pendant tout le film. Il n'y a aucun échantillon à voler dans ce film. Éventuellement, les examens d'urine de Michael Jordan. Il n'y a même rien à récupérer. Et alors là, donc voilà, on comprend que le gros, il doit assister Michael Jordan, sans aucune raison, mais on va se le taper pendant tout le film. De toute façon, il est tout seul au générique avec Bugs Bunny, donc il y a des acteurs, il va être là tout le temps. Ça a pas dû coûter cher en acteur, enfin, à part Michael Jordan et bah, le gros. Attends, Bill Murray. Non, et surtout les quatre autres basketteurs, ils devaient coûter bonbon aussi. Hein. Ah oui, quand même, à mon avis. Ouais. Parce qu'ils sont tous bien connus. Alors, en plus, ils se font bien humilier pendant tout le truc. Oui. Alors, le chien de ah, ça, c'est drôle. Le chien de Michael Jordan saute à 2m24. Alors, vous savez pourquoi il s'appelle Charles? Non. Petite anecdote. Vas-y, lâche-toi. Parce que Charles Barkley, qui est basketteur aussi et qu'on voit dans le film, a une gueule de bulldog et c'est rigolo parce que. Anecdote basket. Allez, tip top, on enchaîne. C'est super. Alors là, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que Michael Jordan, il rentre dans sa petite maison pavillonnaire de banlieue sans prétention, alors que c'est juste Michael Jordan et qu'on est en 1996. Et là, t'as un car entier de gamins noirs américains de 8-12 ans qui passent devant la baraque et qui passent devant Michael Jordan. Et personne ne dit rien, quoi. Il y a personne qui fait oh putain, c'est Michael Jordan. Ils sont habitués, c'est voisins. C'est les copains du fils. Bah oui. Mais il est humble, hein, Michael. Tu vois, tout le monde peut venir chez lui, hein, parce que de toute façon, il y a même pas de barrière, quoi. Tu vois, donc tu peux aller chez lui. On a l'impression qu'il a repris la maison de son père, tu vois. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ça. Ouais. Là, d'ailleurs, ça devait être bien romancé aussi. C'est-à-dire que la maison de son père, enfin, moi, je sais pas où il habitait, Michael Jordan. Vous connaissez un peu sa bio? Pas du tout. À mon avis, il habitait pas là. Voilà, je balance. Ouais, bah voilà. Apparemment, il était à Sochaux, d'après mes informations. Ouais, je suis pas sûr non plus. Donc là, en parallèle, on voit le parc d'attractions. Faut quand même noter que le mec, c'est quand même Michael Jordan. Enfin, on connaît un peu le bébé, il est quand même relativement corpulent. Et quand il y a un bulldog qui lui saute dessus, il s'effondre instantanément. Moi, à mon avis, il lui met une droite, le bulldog, il tombe. Hein, et il est un peu lassé parce que ça lui arrive souvent que le bulldog... Oh non, pas aujourd'hui, dis donc. Et là, il fait la tête. Avec les grands yeux. Alors, pendant ce temps, les bails, c'est qu'en gros, il y a un parc d'attractions de merde avec des méchants. Alors, c'est ça le problème aussi de ce film, c'est que les méchants ne sont absolument pas charismatiques. Non, ils sont très énervants, surtout. Non, mais ils auraient dû prendre des méchants de la licence. Ils se seraient dit, putain, on prend Coyote, on prend machin et on fait les gentils contre les méchants. Et là, au moins, c'est cool. Parce que là, ils devraient m'écouter. C'est vrai, être scénariste. Ah, ouais, c'est pas mal. Parce que là le truc, c'est. Pourquoi ils auraient pas pris Predator? Alors, Alien, Chucky. Oh, ça aurait fait un super Freddy. Non, alors là, le truc, c'est que ces 5 merdes qu'on t'a jamais vu, que tu veux plus jamais voir, absolument pas charismatiques. Même au McDo, quand il y avait des jouets avec eux, tu les voulais pas. Et du coup, et donc ça marche pas, mais bon, eux ils font un parc d'attractions. On a besoin de Bugs Bunny, donc on va aller le capturer. Et capturer Bugs Bunny, c'est facile, sauf qu'il dit on vous challenge à une partie de basket. Voilà, ça c'est le scénar de base. Ouais. Et donc là, comme ils sont tout petits, ils peuvent pas faire du basket, sauf qu'ils vont aller voler les pouvoirs. Ouais, ça, tout ça. Des grands joueurs de NBA. Exactement. Des grands joueurs de NBA. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, plutôt qu'il y ait une baston et tout, ils disent plutôt non, on va pas se battre, on va plutôt laissez-nous une chance. Bah, alors que le mec, tu vois, s'il veut les kidnapper, il les kidnappe, il dit bah non, je te laisse pas de chance. Ouais. Et donc, il fait laissez-nous une chance et on va se faire au basket, ce qui n'a strictement aucun sens, à part pour mettre Michael Jordan dans le film. Exactement. Cours en beau. Pendant ce temps, analysons un peu nos adversaires. bonne idée. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons une race de petits envahisseurs extraterrestres. Monstres. Ouais. Aux petits bras, courts sur pattes. Et pas très rapide. Rikiki et grossesse. Et ils ne savent pas sauter. Voilà le défi que nous vous lançons. Un match de basketball. D'accord, on va jouer au basketball. Basketball. C'est quoi le basketball? Bah oui, c'est quoi? Pas savoir. On n'y a pas joué à l'école. Roulez. Assine dans un chien. Un sport d'équipe enthousiasmant dont la popularité... Voilà, donc c'est dommage parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont bien des Looney Tunes quand même dans ce film. Il y a 2-3 gars qui sont drôles, mais putain, par rapport à Roger Rabbit, c'est dalle parce que Roger Rabbit, chaque scène est bourrée de détails hyper... Roger Rabbit, le scénario est brillant en plus, contrairement à celui-là. Enfin, et puis surtout, c'est beaucoup moins bien que les cartoons eux-mêmes, quoi, au final. Beaucoup moins drôle, d'ailleurs. C'est pas les mêmes doubleurs, je crois... Je suis pas sûr. Alors en français, c'est parce qu'en France, j'ai lu sur Wikipédia, anecdote Wikipédia, donc c'est moins puissant. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont tous morts sauf un. Voilà, c'est nous. Ouais. Il aurait pu les doubler tous du coup. Ouais, je sais pas, ils voulaient pas le faire. Alors, en même temps, ils ont senti le mauvais plan. Mais à mon avis, il y avait Pépette, donc ils l'auraient fait. Hein. Je pense qu'il devait être mort. Mais c'est vrai que moi, ça m'a donné envie vraiment de revoir tous les dessins animés de mon enfance. Plutôt que de regarder Space Jam. Enfin, sauf celui avec le petit cochon bègue, là. Putain, ça a l'air chiant, ça. Celui-là, je l'avais pas, mais. Non, mais en plus, non, moi, j'ai pas trouvé ça, même au niveau des Toons et tout, j'ai pas rigolé une fois, quoi. Tu rigoles des fois, toi, Greg, quand même. Ouais, ça m'arrive. Trop, ouais. Quand les gens se brûlent, par exemple, là, je rigole. on a vu un accident de bagnole, il a éclaté. Hein. Mais pour revenir à ce que tu disais, Greg, tu disais, en gros, ça se passe dans le milieu du basket que pour mettre Michael Jordan dedans. Oui, et vous savez pourquoi? Parce que ce film est inspiré d'une publicité à la base. En fait, il y avait une publicité avec Bugs Bunny, Michael Jordan et Marvin le Martien. Et c'est celui qui fait l'arbitre. C'est celui qui fait l'arbitre. Ouais, ah ouais. Et en fait, du coup, c'était une pub pour Nike, je crois. Et le film est inspiré de ça, en fait. D'accord. T'as heureusement qu'ils ne se sont pas inspirés d'une pub pour Knorr, parce que ça aurait été chiant. Et pour les produits laitiers. Michael, là, tu joues avec la poule. Les sensations pures, donc n'hésite pas, Michael, à renverser le lait. Hein, voilà. Mais c'est un peu le film inspiré des pubs, parce qu'il y avait aussi une pub où Bill Murray jouait un mec qui n'arrivait pas à jouer au basket non plus. C'est très très étrange comme film, comme anecdote en tout cas. C'est intéressant qu'on parle de pub parce qu'on retrouve Michael Jordan maintenant tout seul dans sa chambre de motel. On ne sait pas du tout pourquoi il est là, ça pue le plan où il trompe sa meuf d'ailleurs. Et il mange du McDo. Et je crois que j'ai jamais vu un placement produit aussi vénère à part dans E.T. Mais là, genre, tu le vois poser ses frites de McDo, prendre son gobelet, faire. Tu vois la marque McDo. Et ensuite, t'as le gros dans Jurassic Park qui arrive qui fait: attends, on y va ou tu veux manger un Big Mac? Ouais, non, mais limite, il donne pas le prix du truc, quoi. Je pense que c'est dans un souci de réalité parce que c'est vrai que les sportifs de haut niveau mangent souvent McDo avant un match, par exemple, ou après. Mais du coup, moi, j'avais trouvé une anecdote aussi là-dessus, justement, sur les sponsors. Et c'est sur la En fait, il y a tout dans la même réplique, quoi. Il y a Heinz, il y a Nike, il y a Wheaties, Gatorade, Big Mac. Enfin, il y a tout dans la même réplique. Donc ils ont évacué le truc, je pense. Il y a pas William Sorin aussi, hein. Uncle Ben. Et dis donc, Michael, si on allait faire un bon cassoulet, William Sorin. Oui. Dis donc, tu viens ou tu reprends une saucisse? Un peu de Old del Pato aussi. Ça, il se retourne, il a un chapeau mexicain. Alors. Ensuite, c'est la scène de golf, donc une scène de 10 minutes qui n'a aucun sens et raison d'être là dans un film pour enfants. C'est qui le gars? Parce qu'au début, il ressemblait à Bill Clinton, en fait. Ils ont quand même pas pris Bill Clinton. C'est le président des États-Unis. Non, je sais pas, ça dure des heures. Bah, c'est l'arrivée de Bill Murray, d'ailleurs, sur cette scène-là. Ouais. Ouais. Alors, il porte une ombrelle... Ouais, un chapeau ombrelle et une chemise. C'est très conseillé de... Si vous faites par exemple un entretien d'embauche, c'est très conseillé de porter un chapeau ombrelle. Hein. Absolument. C'est très très classe. C'est comme ça que t'as des mariages dans les jobs d'ailleurs. Le mieux, c'est aux enterrements. Et donc, coup de chance ou coup de malchance, je ne sais pas, Michael Jordan va faire un all-in-one, je sais pas comment on dit là. Bah, c'est pas coup de chance puisque c'est truqué. Un par un. Un par non, un non, par, non ouais. C'est par trois. C'est... Non, bon, il fait un coup en un, quoi. Ouais, un coup en un. C'est compliqué à trouver ça. Au golf, vous avez vu à quel point on s'y connaît. Et il va récupérer sa balle et hop, les Looney Tunes, ils vont l'aspirer dans le trou du golf. Ensuite, on va se taper la coloscopie en 3D pour arriver chez les Looney Tunes. Et en plus, le coup d'aller chez les Looney Tunes, faut un peu perforer un truc. Enfin, bref, j'ai trouvé vraiment l'analogie dégueu. Et Jordan, il arrive au pays des cartoons, il arrive à Cartoonland. Hein. On n'est pas dans Roger Rabbit où les cartoons sont censés exister et coexistent avec notre monde. Là, c'est juste, ça n'existe pas. Et il arrive chez Bugs Bunny. Et il est hyper serein, quoi. Il est Michael Jordan, quoi. Il est là, genre, bon, c'est quoi les bails? Il y a un match de basket. Bon, bah, on va vous le faire, les gars. Après, je rentre chez moi, par contre. Non, mais c'est ça. Non seulement lui, il est hyper serein, mais les Toons sont ultra relous, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font tout. Dès le début, t'as Gros Minet qui arrive, qui jette des trucs, t'as qui fait exploser des machins, il s'écrase comme une crêpe. Ça prend la tête. Mais même en tant que téléspectateur, ça prend la tête. C'est-à-dire que il y a enchaînement de gags. Là, t'as 10 minutes de gags sur l'arrivée de Michael Jackson, lui qui est figé avec sa tête et ses grands yeux. Et là, t'as tous les Toons. En fait, c'était les prémices pour la pub pour Doliprane, mais ils ont enlevé la scène. Ah, ça prend trop la tête. Moi, j'ai trouvé que ça prenait la tête. Et un truc qui a hurlé de rire, c'est que. T'as aimé, Greg? Ouais, j'ai adoré. Et un truc qui a hurlé de rire, c'est que ensuite, ça repasse dans le monde réel. Et les mecs du golf, ils sont passés à autre chose. Mais oui, mais quoi. C'est ça, ouais. Genre, le mec vient de disparaître dans un trou de balle de golf. Et ça là, ils font. Personne, il est où? Et après ça, ils font. Non, mais bon. Je suis sûr qu'il va bien. Il est encore resté là, tant pis. On va prendre la voiturette de golf. Et puis, on s'en va. Mais ça a aucun sens. Et là, donc, il explique, tu vas devoir jouer au basket avec nous. Alors lui, aucun moment, il dit oui, non, machin. Plus tard dans le film, il fait, non, mais par contre, après le match, moi, je rentre chez moi. Hein. Ah non, à un moment, il dit quand même, non, mais moi, je joue plus au basket, je joue au baseball. Et puis à la fin, il le fait quand même. Alors, au cas où il n'est pas compris, ça fait 9555 fois qu'il nous répète que c'est la licence Warner. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Ouais, il y a même un moment où il s'embrasse. C'est pas Daffy Duck qui s'embrasse les fesses. S'embrasse le cul, ouais, carrément. Avec Warner Bros. C'est très bizarre, ouais. Non, mais il y a vraiment. Il a Warner sur le cul. C'est quand même incroyable. Mais je pense que y a les mecs ont dû craquer au bout d'un moment, quoi. Michael, par contre, à un moment dans le film, il y a Bugs Bunny qui va s'embrasser le cul. Et là-dessus, on va lui mettre un écusson Warner. Alors, à la base, c'est toi qui dois lui embrasser le cul. Non, mais surtout, j'imagine trop, tu sais, les animateurs et tout, genre, tu sais, ils sont en équipe. Et ouais, bah Sylvain, il est enfermé là, je sais pas ce qu'il décide, mais. Et c'est le mec, il est tout défoncé, il fait n'importe quoi. Et donc, Michael, il peut pas jouer au basket parce qu'il lui faut ses fringues, il lui faut ses pompes Air Jordan, quoi. Ouais, mmh. Et surtout son short. Ouais, bah ouais. Ouais, il faut les deux, quoi. Donc là, ouais. Parce qu'il faut bien vendre des trucs aux gamins, hein, parce que les jouets, ça va pas suffire, il faut leur vendre des trucs de basket. Et d'ailleurs, et donc... petite anecdote sur Michael Jordan, vous saviez qu'il portait toujours son short de college. Donc, college, c'est quoi? C'est université, ouais. De basket sous son short des Chicago Bulls pour lui porter. Attends, bonheur. Mais ça s'est transpiré énormément. Il le dit dans le film. Non, mais dans la vraie vie. Dans la vraie oui, vie. Mais il le dit dans le film. Oui, mais. Non, d'ailleurs, il veut son short des Chicago Bulls. Il veut pas son short du collège. Non, si. Il veut son short. Si. Il veut son short. Alors autant pour de moi. North Carolina. C'était juste pour vous confirmer ça, voilà. D'accord. Donc, alors, là, Bugs Bunny et Daffy Duck, ils vont dans la maison pour cambrioler. On va vraiment raconter l'histoire du chien. Non, on raconte pas le chien. J'ai eu peur. Mais par contre, les gamins, ils voient deux trucs en carton se balader chez eux. Sur ce aussi. C'est normal, quoi. Ils vont les aider, ils vont pas faire chier, quoi. Non, va, du coup, c'est là qu'ils vont, c'est là que les Toons vont leur apprendre qu'ils jouent un match de basket et que du coup, ils ont demandé l'aide de leur père. C'est là qu'ils disent, ah, bah, c'est pour ça qu'il est pas revenu depuis 3 semaines. Ah, bah tiens. Parce que la dernière fois, apparemment, qu'on l'a vu, il a été aspiré par un trou de golf. Donc, mais dans la faudrait peut-être le dire à la dame de la DAS parce qu'elle vient nous chercher demain. Hein. Dans la famille Jordan, ils ont l'air d'être assez habitués aux Toons parce que, bon, bah, Jordan, ça le. Ça ne choque pas, et puis les mômes, c'est pareil, ils voient Bugs et Daffy Duck là, tranquille. Et surtout, vous dites rien, les enfants. Et surtout, ouais, mais t'as raison, Michael Jordan a disparu. Personne ne réagit, quoi. Personne à la ligue de baseball, ouais. Personne, quoi. Et on en parle de cette façon de ranger ses baskets, parce que même moi qui ai un sens de l'organisation qui est assez chaotique, je range pas mes baskets comme ça. Quoi. Oui, il y c'est en a pas une pompe sur par terre et une sur un pied. Une sur une étagère, quoi. Sur l'étagère. Bah ouais, ça perd de pompe en même temps. Ouais, et alors, magnifique. Je peux vous dire que quand il récupère sa paire de pompes, c'est pas du tout la même limonade. Regardez un peu qui est enfin prêt à jouer. Voyons si je n'ai pas perdu la forme. Donc Donc là, si vous l'avez pas vu, en gros, c'est 2 minutes 30 de dunk au ralenti, mais ça ne s'arrête pas, il fait plein de trucs. J'avoue que sur l'image, c'est vraiment bizarre. À noter que Matt, ouais, si fait un peu. Voilà, perdu, si la main. Perdu la main. Mais... on fait une voix en plus là, c'est. Je vais même parer la tuyauterie. Alors, Michael Jordan est doublé par Isaac Hayes, hein, visiblement. Ouais, hein, ouais, mais... pas de grosse voix. Hein. Mais je crois que c'est la voix de Samuel L. Jackson. Enfin, j'ai pas entendu suffisamment. La voix du chef. D'ailleurs, la voix de Bill Murray, c'est la voix de Jeff Goldblum. Donc, à un moment, j'étais vraiment schizo. J'ai vraiment cru que j'étais dans Jurassic Park. Ouais, ça m'a fait très, très étrange. Alors, on apprend qu'en parallèle sur la Terre, la NBA est annulée. Voilà, c'est... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, du. Et oui, parce que les extraterrestres qui volent les pouvoirs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce alors, que du on n'a pas parlé tous... parce que c'est nul, quoi. En fait, ils font des tests pour savoir comment ils ont perdu leur pouvoir, ou ils vont voir une voyante. Enfin, ils essayent par tous les moyens de savoir. C'est drôle, ouais. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les mecs ils se font aspirer leur pouvoir en plein match et d'un seul coup ils arrivent plus à jouer, c'est-à-dire qu'ils arrivent même pas à choper le ballon. Mais moi je suis leur entraîneur, je dis putain, le mec il va faire un AVC quoi. Ils arrivent même plus à boire, ils arrivent même plus à marcher. Ils jettent le jet d'eau à côté de sa gueule. Non, mais ils ont pas seulement volé sa puissance de jeu, ils ont volé tous ses mouvements quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, les grosses stars sont devenues nulles, on sait pas pourquoi. Donc du coup, on ferme la NBA. Tac. Normal, il y a 4 gars. Rideau sous la porte de la NBA. Voilà, terminé. Et alors là, en parallèle, chez les Toons, c'est le match. Et alors, le match commence. Et là, j'étais super surpris. Putain, on a pas eu de montage practice, mais on a pas eu de montage complicité. Rien du tout. Il y a rien eu. Le seul montage qu'on a eu, c'est Jordan tout seul au ralenti qui fait des paniers parce qu'il a récupéré ses bombes. Ouais. Mais tu sais, à aucun moment il leur apprend à jouer. Enfin, il y a rien du tout quoi. Non, moi quand j'ai vu quand j'ai vu le match commencer, je me suis dit déjà. Bah, non, et par contre, t'as pas dit que le gros Jurassic Park, genre, il était devenu un homme pelteuse quoi, parce qu'il a retourné le terrain de golf pour essayer d'aller chez les. Non, mais je crois qu'il essaie de faire une cabane pour capturer un enfant. Parce que le golf, c'est sur le chemin d'une école. Ouais, lui il se fait récupéré dans le monde des Toons aussi, alors on sait pas pourquoi non plus, mais bon. Bah parce qu'à force de creuser, à un moment c'est bon quoi, lui il y arrive. Et alors le match commence. Donc le match, en gros, ça expose 5 cartoons absolument inconnus, absolument pas charismatiques, qui ont pris les pouvoirs de talents de basketteurs, donc qui en plus ils ont un peu récupéré leur gueule, mais mélangé à des gobelins, ils font 3 mètres. Et en face, il y a Bugs Bunny, toute la clique, de toute façon on connaît pas parce qu'on s'en fout, et Michael Jordan qui va essayer de faire des trucs, mais tout seul. Ouais. Il joue un peu solo, hein, je trouve. Hein, ouais, je l'ai trouvé vachement perso. Ouais. C'est passe-moi la balle et ensuite, si j'ai la balle, je vais y aller. Moi, je dunk de base. Et alors, dès le début, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens puisque de toute façon, la notion de taille et de gravité est tout à fait relative dans ce monde. Il n'y a pas de loi de physique, donc ça sert à rien de faire du basket. Ouais. Bah, en même temps, je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de défense quand même en première mi-temps. Il loupait un peu ses pick and roll. Enfin, bon, bref. Et donc, la première mi-temps, ils se font exploser, hein. Putain, là, c'est costaud. Ouais. Ouais, voilà, c'est du 48-0. Et pourtant, il y a Lola Bunny qui est pas mauvaise. Mais elle revient de blessure. Donc, elle du coup, pas mal, elle est pas 100% de ses elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Belle bête. On s'y va. Vous avez pas dit d'ailleurs qu'il y avait cette chanson qui s'appelle Pump the Jam, qui est quand même un des meilleurs moments du film. Pump the Jam, pump it up. Ouais, exactement. C'est une des chansons que je mets pour me réveiller. Et on l'a aussi, je l'ai pas prise, mais il y avait aussi. Elle est très très très bien, ça. Elle est insupportable. Et alors là. Tu pas le matin pour te réveiller, toi. Non, le matin j'écoute The Cat de Lalo Schifrin, je vous laisserai aller voir. Donc le gros dans Jurassic Park, il va se faire violer par les Monstars, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais. Tu sais, à un moment il est dans leur vestiaire, ouais, et il se fait cramer parce qu'il écoute, à travers le casier. Ouais. Et là ils ouvrent le casier, ils sont tous les 5, ils font « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'est genre en mode ça devient super glauque. Ouais, et la scène d'après, il arrive tout débranle en disant « Je me suis fait attaquer par les Monstars. » Il s'est attaqué, il s'est pas fait violer. Ouais, bon bah l'un ou l'autre si tu veux. Tu sais, Antoine, il faudrait que tu commences à parler à quelqu'un. À force d'avoir regardé Lovely Bones, là, ça m'a... Tu peux, t'as beau être les pires monstres du monde, tu vois, tu pourras tuer le gars ou, je sais pas, lui péter une jambe, mais là, ils lui mettent un peu de noir sur la tronche et puis après, il peut quand même jouer, quoi. Donc, puis, qu'est-ce qu'il a demandé? C'est un être humain, il a pas demandé à être là, lui. Ouais, c'est clair, hein. Moi, je trouve que je le défends aussi. Je me demande, c'est pas un peu violent ta méthode pour un film qui est destiné à des enfants de moins de 5 ans? Non, non, mais je sais pas, qu'il lui casse une patte parce que là il met juste de la peinture noire quoi. Tu vois. Et ceci dit, c'est quand même assez violent parce qu'ils en prennent tous pour leur grade, les Toons. Eh ouais, mon gars. Ouais, ils prennent bien dans la gueule. Hein. C'est vrai que c'est assez violent. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça véhicule comme valeur, ça? Je vous le demande. Je crois que les images ont été utilisées dans un clip de l'État islamique récemment. Vraiment, c'était violent. Alors. Donc la solution, c'est par le dopage. Hein, voilà, hein. Quand il n'y arrive pas, il faut boire de l'eau de Michael Jackson. De la sueur de Michael Jackson. Ça fait vraiment penser à la sueur de Michael Jordan. Ouais. Michael Jackson hante ce podcast. Et du coup, ils vont égaliser grâce à ça. Alors ouais, c'est comme ouais, d'avant, ils sont 68 à 0 et d'un seul coup, bam, 68 à 66. C'est ouais, un sacré retournement de situation. Bah, c'est l'effet placebo de la potion magique, Michael Jordan. Alors là, eux en face, ils vont réadapter leur jeu et ils vont faire un jeu très nerveux, donc ils vont blesser les toons et c'est tout. C'est plus agressif là, beaucoup plus agressif. Là. Alors de base, hein, c'est quand même la règle standard et numéro 1 qu'on t'a déjà expliqué 3 fois dans le film et qu'on t'a expliqué dans tous les cartoons d'avance, c'est que tu ne peux pas blesser un toon. Là, ils vont blesser les toons tous un par un, si bien que du coup, il va leur manquer un joueur. Il reste 10 secondes, merci de me prévenir. Docteur. J'ai horreur de colporter les mauvaises nouvelles, votre pompe à air, mais si vous ne trouvez pas de cinquième joueur, votre équipe aura perdu par forfait. Forfait ? Précisément, votre altitude. Des clous, on va trouver un joueur. Waouh ! Je savais pas que Danacron était dans ce film, et vous ? J'ai bien l'impression que je pourrais vous être utile, non ? Voilà notre cinquième joueur. Ouais. Tu as l'occasion de réaliser ton rêve. Au boulot. Voilà, donc on l'a pas précisé, mais alors là, oui, c'est doublage. Eh bien, il fait deux voix d'ailleurs. Là, on vient d'entendre la voix de Bill Murray, qui est toujours le même. Là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait la voix du génie, de machin. C'est pas Richard Darbois. Si, Richard Darbois. Et celui qui fait « Oh, mais je savais pas que Daniel Croy était dans ce film », c'est aussi lui qui fait cette voix. Ouais, il est partout. Et alors lui, il a la médaille d'or des doublages aux HDP, parce que je crois qu'il est dans un film sur deux qu'on fait. Ah oui. Et d'ailleurs, il a bien travaillé, du médaille coup. De platine pour l'acteur du gros dans Jurassic Park, puisque c'est sa 4e apparition dans 2 heures de perdu. Ouais, c'est beau. Hein. Voilà, il est en train de talonner Mark Wahlberg, là. Il passe devant Laurent Lafitte. Voilà. Ah mince. D'accord. Il faudra qu'on équilibre tout ça. Et est-ce qu'on lui envoie un courrier, comme on fait, on le contacte ou bah, je pense qu'il est très heureux. On va lui remettre le César de HDP, quoi. Et donc, quand même, on vient d'assister à la meilleure vanne du film, qui est un toon qui dit à l'arrivée de Bill Murray, je ne savais pas que Dan Aykroyd jouait dans ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vanne. J'ai même pas noté. Bah, c'est une vanne un peu méta, mais là, on rentre dans une partie un peu méta du film, parce que quand on lui demande d'où il sort, Bill Murray dit qu'il connaît le producteur, ce qui est vrai, parce que c'est le même producteur que Ghostbusters. Ouais. Et en fait, qu'il est arrivé là comme ça, parce qu'on l'a déposé en voiture. D'accord. Donc, c'est extrêmement méta. C'est bien. Quoi. Non, moi, je valide ça. C'est non, un mais des c'est, rares trucs c'est, que je valide dans cette le film. Cette scène, il sort de nulle part, il va faire genre deux plans en mode c'est rigolo, et ensuite, il va se recasser direct, quoi. Pour pas qu'il soit là à la fin, bah, parce qu'on sent qu'on va la tourner. Un genre. Ouais, en fait, c'est ça. Quand il vient au match, il vient chercher son chèque. Quoi, tu mais tu sais, à la base, il y avait même la scène où il était payé. C'était dans le bureau et tout. Là, c'était vraiment drôlement méta parce qu'on le voyait aller à la banque le déposer. Et alors là, on annonce à Jordan 10 secondes avant la fin qu'en fait, lui aussi, il peut faire des trucs de toon, dont allonger son bras, dont faire un dunk dégueu en image de synthèse horrible. Ouais. Et voilà. Bah, et du coup, il gagne. Et voilà. Et c'est terminé. Il gagne de justesse. Il rend les pouvoirs. Et ils rendent les pouvoirs. Enfin, la happy end arrive en 2 secondes et là, il n'y a pas de fin à ce film. Mais ceci dit, on est plutôt content quand ça arrive la fin. C'est vrai qu'on est pas mécontent. Il reprend le basket, il fait plus de baseball. Oui, oui, mais la fin chez les Toons, c'est voilà, votre match il est terminé. Il rend le ballon et il se barre. Et ensuite, il retourne jouer du basket, Trunks chez lui, quoi. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est parce que vous savez que la production lui avait construit un terrain de basket exprès pour qu'il soit à l'aise sur le tournage. Donc, je pense qu'il voulait aller jouer au basket en dehors du tournage. C'est pour ça que ça s'est fait. Et alors, vous avez vu qu'il y a un projet de film exactement identique, mais sur le cyclisme avec Lance Armstrong. Ça a vraiment déchiré, hein. Il dure 2h30. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film ? Non. Non. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 4 commentaires 5 étoiles. On commence avec Mathieu Serva, qui est déjà un peu à côté de la plaque. Il dit « Cela m'a rappelé le bon vieux temps, un film avec un mélange entre les Walt Disney et un joueur renommé du basketball. » Ça a l'air de vous faire rire, c'est comme ça. Il a bien marché. Alors, ensuite, on continue avec AD77, qui dit « Ayant vu ce film étant adolescente, j'ai voulu le revisionner. Ce fut un vrai plaisir de faire un retour en arrière et de partager ça avec mes enfants, qui ont eux-mêmes apprécié. D'autant plus qu'elles pratiquent du basketball et auraient tendance à manquer de confiance en elles. Pour le coup, l'histoire leur donne une petite morale qui renforce. Mais il faudrait surtout lui donner du jus de sueur de Michael Jordan, peut-être que ça l'aiderait pour sa confiance en elle, je sais pas. » Ensuite, on a Alban B. Excuse-moi, mais c'est vraiment dégoûtant. C'est ce qu'ils font. Le jus de Michael Jordan, c'est jus dégoûtant. Jus de sueur, j'ai dit. Ah, c'est ça. Voyons voir si j'ai pas perdu la main. On continue avec Alban B qui nous dit Je me rappelle, étant jeune, allant voir Space Jam au cinéma. Jour gravé dans mes mémoires, car il fut aussi le cruel moment où ma maman décéda. Ah, c'est terrible. En ce beau mois c'est de février triste. 1997. Et depuis, je vois en chaque Looney Tune une part de ma mère. Oh là là là là. Et en Michael Jordan, une autre part de ma mère. Si seulement l'Académie des Oscars avait choisi le bon acteur cette année-là, ça aurait été une récompense pour maman. Oh là là, 36-15 triste. Je Et vois enfin... ma mère Michael Jordan. Et enfin, on finit, puisque ça faisait longtemps, on finit avec Fan de Coach, qui a adoré Space Jam. Oh bah tu m'étonnes. Putain, ah mais il y a un film qu'il a pas aimé, lui. Et je crois pas, en tout cas, il lui dit « Space Jam, encore un film nostalgique sur nos personnages de dessins animés préférés du dimanche. J'ai nommé les Looney Tunes. C'est sympa de retrouver les thunes dans une comédie familiale bien à eux. Et vraiment, que comédie. Vraiment très divertissement et amusant à regarder, avec plein de bonnes idées d'inventivité. Déjà, côté scénario, c'est vraiment extra. Une histoire qui mélange encore le monde réel et le monde des thunes. Ouais, c'est vraiment extra. Et puis, je trouve l'histoire bien foutue et bien utilisée. Car utiliser le joueur de basket Michael Jordan pour gagner un match ultime entre les thunes et des extraterrestres, c'est vraiment sympa à voir. Et puis, le film est gorgé d'humour et de gags et d'autodérision. Vraiment bien placé. Il y a aussi pas mal de références à d'autres films. Et puis le monde des thunes est parfaitement utilisé. Et le humour fait toujours des ravages. Et ils sont toujours aussi attachants et nostalgiques. Donc voilà, scénario astucieux et bien construit avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et le film est diaboliquement rythmé et avec un PO juste extra. De plus, la réalisation et l'animation est efficace et très bien rythmée. Mais pour trop pas en plus, mais tout est faux, quoi. Et pour finir, les acteurs sont vraiment bons, convaincants et très amusants. Et surtout pour les personnages qui sont pas acteurs au départ. Michael Jordan, il s'en sort à merveille, ah il joue oui, bien ah son bah, propre rôle avec ça. Une bonne autodérision. Tout comme l'acteur Bill Murray et Wayne Knight, qui sont vraiment sympas à l'écran. Et puis côté casting des cartoons, on retrouve les principaux personnages des thunes qu'on adore. Bugs Bunny, Daffy Duke, Laura Bunny, Sylvester, Tarzan Bull. Laura Bunny. Et bien d'autres encore. Voilà, une comédie familiale, amusante et bien délirante qui met le ton sur des super génériques. Et oui, on en fait d'ailleurs plus de aussi bons génériques, à part peut-être les James Bond ou Millennium. Voilà, une comédie nostalgique, familiale, culte à regarder sans modération. Un vrai plaisir. 5 étoiles. C'était notre avis et celui des autres sur Space Jam. Et maintenant, nous allons annoncer les grands gagnants du concours 2HDP qui vous permet de nous rejoindre l'espace d'une tendre soirée. Alors, comment je fais ? J'annonce les gagnants, j'ai les deux noms. Ah non. Alors, gardez secret. On a longtemps réfléchi à passer vos extraits sans vous demander l'autorisation, mais on se serait dit que les autres allaient nous faire chier en disant « Ah, est-ce que j'ai fait, c'était mieux ?» Donc, comment ça se passe ? Il y a donc deux gagnants. Voilà. Vous allez venir tous les deux en même temps. En plus, on a pris un garçon et une fille. C'est pour avoir rencontré. Monte un peu Amélie Back and Fly. Nous avons pris un garçon et une fille. Comme ça, vous pourrez vous rencontrer, peut-être mieux vous connaître. On a pris un Belge. Pour être sûr qu'il puisse pas venir. Et une Chinoise, en espérant qu'elle habite loin, elle aussi. Alors, il s'agit donc de Tilly, prénom féminin, je ne sais pas, et de Jonas. Voilà, vous avez tous les deux gagné. Les autres, je pense que vous êtes très déçus. Ah oui, ouais, malheureusement. Ouais. Malheureusement, je suis désolé. Après, il faut quand tout même bien dire que vous avez été très très bons. Et tous. Que ça a été a très eu dur de vous départager. Ouais, et vous avez été très nombreux. On a eu beaucoup de mal à choisir. Vous avez été très nombreux, surtout. C'était une vingtaine. Comme ça. Non, il y en a eu, 28 extraits. Pardon. Attention. Hein. Donc voilà. On refera sans doute un concours comme ça pour être choisi. On annonce les films par contre, parce que c'est pour faire les films qu'ils nous ont proposés. C'est ça, alors ce sera dans super longtemps, hein, mais les films c'est. Je me souviens plus. Citizen Kane. Et Spider-Man. The Amazing Spider-Man, donc le ouais, attends, c'est Garfield. Quasiment la même le chose. De merde. C'est dans la même rien à voir avec ceux de Sam Raimi. Ah non. Non, je pense qu'il parlait de Citizen Kane et de Spider-Man. Ah oui, d'accord. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Gladiateur. Et Gladiateur. Le Terminateur. Le Terminateur. Titre québécois. De policier robot. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans mon intro, j'ai dit le basket spatial, c'est le titre québécois de Space Jam. Ah oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un explique rapidement comment on met des films au chapeau? Parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas dit. Bah, on met son petit commentaire 5 étoiles sur iTunes, sur la page iTunes de 2 heures de perdu. En disant que ce podcast est génial naturellement et on peut en profiter pour proposer un film qu'on mettra dans le chapeau. Exactement. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Gladiator. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. I believe I can fly. Hey, 'cause I believe. If I can see it.